Vous entendrez certainement pas Agadou. Parce que vous écoutez les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. Et Virginie Cossette. Hey, salut Virginie. Salut. Hey, bonjour à vous, la maison, où vous soyez. Bonsoir. Dans la neige. Oui, dans la neige, nos petits palmiers. Oui, qui enneigés. Non, ça ne fond pas. Ça ne fond pas des palmiers, c'est des arbres. Hein? Mais ils se font tremper par de la neige. Malheureusement, oui. Ils aiment ça quand même. Ben, j'espère. Parce qu'ils vont entendre de la bonne musique cette semaine. On a quelques nouvelles entrées. On a Machamba avec Radio des Magos. On a Ludger avec Marcia Baella. On a aussi Johnny Hollow avec Spurio. Mais on commence par la 15e francophone, une nouvelle entrée. Jack G. Marinovitch avec En Dessous. Et on écoute ça maintenant. En Dessous de quelle station? En Dessous de C'est Fou, 89.fm. Ah ah ah! Je vais aller me cacher en dessous de la table. OK. Hey, je te vois plus, t'es où? Hey, t'es où, Virginie? Laisse-moi pas de ça! La poussière, là. Les cymbales par la fenêtre et le reste par la porte. Il doit l'avoir trompé. Ou elle en a tout simplement marre. Au premier coup d'œil, on l'aurait dit calme et tendre. Sûrement aussi, mais pas dans ces moments où elle est plutôt tendue. Il y a du verre qui se casse, ça doit être la tasse, mon amour pour toujours. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. On lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. We're waiting for a superhero intervention. to be free. Waiting, we're waiting for a superhero intervention. We're waiting for a superhero intervention. Waiting, we're waiting for a superhero intervention. Waiting, we're waiting for a superhero intervention. I'm waiting for a superhero. Johnny Hollow avec la pièce Superhero de l'album Dirty Hands, c'est ma foi plutôt bon. Ma foi, oui, c'est relaxant. Oui, c'était avant ça une autre pièce relativement relaxante aussi. Relativement, et c'est l'artiste Jack G. Marinovich. Pourquoi c'est trop tard, faut qu'il dise ça? Pourquoi, je sais pas. Ça tombe toujours sur toi, cette affaire-là. Hein? Putain! Avec la pièce en dessous. Et voilà, ça vient de l'album Jackorama. Donc, c'est deux nouvelles entrées en 15e position au palmarès C'est fou cette semaine. Oui, mes amis. C'était aussi deux coups de cœur à la chance au coureur il y a quelques semaines de ça. C'était beau à voir. Maintenant, on est rendu à nos 14e position. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter par-dessus la position anglophone parce que c'est pas une nouvelle entrée. Même chose pour la 13e. On va aller à la place entendre nos 14e et 13e francophones. Du côté de la 14e, c'est Luigi avec une reprise d'Erita Mitsuko qui est très à propos parce que, si je ne me trompe pas, le chanteur d'Erita Mitsuko est décédé cette semaine. Donc, Luigi lui rend hommage avec la pièce Marcia Baila. Et après ça, ce sera la 13e francophone. Encore un nom dur à dire. Non, arrête, c'est même pas dur. Machamba avec Radio des Magos. Ah, tu vois, j'ai été capable. Ben oui. Ben oui, tu fais pas confiance, Virginie. Oui, on écoute ça au Femme Reste Fou, au 89.1. FM. La Radio Campus de Trois-Rivières. Parley! Ouais! Mathias, elle danse sur du satin de la rayonne. Marcia danse. provocateurs des ondes cachent leurs propos immondes sur ce peuple à genoux, toujours prêt à attendre l'autre jour. De la couleur. Est-ce que genre comme? Comme tu les rajoutes ça, les adolescents. Comme. Donc, ça, c'était Machamba avec Radio des Magots en 13e position francophone. Avant ça, on a sauté par-dessus la 13e anglophone. OK. Ben of Rebels, When Power Came to Canada. Avant ça, c'était la 14e franco, l'UJ avec Marcia Baila. C'était une nouvelle entrée. En passant, tantôt, je disais que c'était une reprise d'Erita Mitsuko. Frédéric Chichin est mort le 28 novembre à 53 ans d'un cancer fulgurant diagnostiqué 2 mois auparavant. Le groupe devait se produire le soir même à l'Olympia, c'est ce que dit Wikipédia. Donc, c'est un peu un hommage à cet homme, Erita Mitsuko. Pourquoi ça te fait rire? Parce que tu utilises toujours Wikipédia. Ben, c'est la vie. Mais... la vie, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est la vie. Comment un cancer peut être fulgurant? J'ai de la misère à comprendre comment ils peuvent mettre des adjectifs comme ça. J'avoue, à des maladies. C'est un cancer époustouflant. C'est bouche béant, qu'on pourrait dire. Non, mais sans blague. Donc, hommage, voilà, de la part de l'UJ en position 14 francophone. Avant ça, on a sauté par-dessus la 14e anglophone, descente de 3 places. Better Friends and Lover avec Taylor. C'est dommage de la sauter parce qu'on l'aime bien. Oui, en effet. On aime bien leur album qui s'appelle Great Loves. On saute par-dessus nos 12e positions des deux côtés. Possifer avec Queen Bee qui descend de 6 places du côté anglophone. Les Chiens avec le 3e œil. Oui, ensuite, on sort par-dessus nos 11e, The Consecos avec Raised by Wolves qui monte d'une place du côté anglophone. Et Bruno Marsil avec Tout le monde en parle. Voilà, on sort par-dessus beaucoup de choses, mais c'est oui. comme ça que ça marche parce qu'on veut se rendre à nos 10e position du côté anglophone. On s'en va entendre Come On avec All Time High qui monte de 3, mais avant. Mais avant, 0-1-1 avec C'était la première fois. C'était la première fois. C'est comme ça qu'elle chante, toi. Ok. C'est très très dance floor. On peut avoir assez fou. Si on peut appeler ça de l'amour. C'était la première fois que je voyais l'amour. J'étais horrifiée et fascinée à la fois. J'étais horrifiée et fascinée à la fois. Malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Malgré ma répulsion. Malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Je ne pouvais détacher mon regard du dégradant spectacle de cet accouplement bestial. C'était la première fois que je voyais un peu plus fort l'amour. Si on peut appeler ça, que l'amour. Washed away, wiped the rain. You wanted to give us a big one. Wanted to head into the plains. Moon avec All Time High en 10e position anglophone, montée de 3 places. Ça vient de leur album Bottle Lightning. Et du côté francophone, on avait 0-1-1 avec C'était la première fois. C'était la première fois. C'était la première fois. On a dansé dans le studio. Oui, c'était à se déhancher les hanches. Oui. Et d'autres parties du corps. Mais on n'en parlera pas. Mais on n'en parlera pas en effet. On est rendu à nos 9e position ici dans les palmarès. C'est fou, l'émission qui vous donne un condensé. Ça, on vous brasse ça. C'est un peu comme du quick en poudre, comme on dit dans la publicité. C'est, on brasse ça, on met un petit peu de plaisir. C'est comme une soupe. Oui, c'est comme une soupe, si on veut. Oui, c'est comme plein de liquide. Dans le fond, c'est comme du Pepto-Bismol. Ça relaxe votre œsophage musical. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Mais c'est rose. C'est tout ce que ça veut dire, les palmarès. C'est fou, c'est rose. C'est... Quoi? Non, je m'en allais dire autre chose, mais je vais garder le commentaire pour moi. D'accord. Des plats que les gens sont dans les urinoirs, en mettent partout. Voilà. On est rendu aux 9e position du côté anglophone, c'est Stars, oh, avec Bitches in Tokyo. On aime ça, hein? Ça fait 9 semaines de présence, c'était en 9e la semaine passée, c'était en 9e cette semaine, c'est comme le chiffre chanceux. Là. C'est comme, oui. C'est très stable. C'est plutôt très neuf comme pièce, mais c'est très neuf comme numéro de pièce, par exemple. Mais avant, on va écouter le Husky avec David Bowie, qui était aussi en 9e position la semaine passée, mais qui n'a que 8 semaines de présence. Ah, traître! Que 8 semaines, on s'entend, mais c'est pas 9. Il aurait pu se mettre à la mode des 9 aussi. Il aurait pu. Vous écoutez les palmarès, c'est fou, 89.1! Dans vos oreilles. Dans les rues, donne-moi un marteau. Je m'en vais me construire un bateau. Avant de m'en aller, avant de tout quitter, avant d'abandonner, je veux savoir pourquoi mon estomac ressemble à Hiroshima. See you. Au retour, Stars, Hot Springs et Steve Hill au palmarès. C'est fou! You can ride my place out of the life you made and all the things that matter when you knew my face. Cross off all the ways I failed you, 'cause I failed you. Still in your blood, you're still in my blood. C'est bon! Trop bon! C'est excellent! On pourrait dire. Donc, Stars, oui, qui est en 9e, c'est stable. 9e semaine de présence, on l'a dit, c'est le chiffre 9. C'est le thème, si on veut dire le 9. Le concept. Le chiffre 9. Justement, c'était la 9e francophone, le ski avec David Bowie. Oh yeah, all oh, right, yeah. En effet. Donc, le ski, l'album s'appelle La chanson moderne pour cynique romantique. Vous! Vous êtes, on va m'arrêter, vous! Au 89 FM, c'était dit avec tellement d'entrain, hein. Ah, c'est fou! Je pense qu'on essouffle les gens en parlant aussi vite que ça. Comment? C'est fou! C'est fou! C'est, ouais, fou. Mais c'est assez fou! Ben oui! Un jeu de mots qui a jamais été fait avant en plus! Le pire, je me trouve bien drôle! Le pire, c'est que t'es la seule! Ouais, ça c'est fou! Bien qu'il y ait vu. On t'aime pareil, ça! Une chance! Hey, vous les palmiers à la maison, là, vous aimez les palmarès, c'est fou! Ben, restez à l'écoute parce qu'il va y avoir plein de bonnes pièces qui s'en viennent. On va mentionner par exemple le téléphérique qui s'en vient. Ça, c'était le numéro 1 de la semaine dernière. Côté numéro 1, le côté anglophone du numéro 1, c'était Coheed and Cambria, n'est-ce pas? En effet. Il y a d'autres affaires par contre qui s'en viennent, dont The Go Team, Merry Go Run, Jessica Hoop. Coheed and Cambria. Ouais. Allons-y dans du côté francophone. Ben, répète, tant qu'à faire, répète, oui. Répète ce que j'ai déjà dit. Bon, ok, tu me laisses-tu? Jérôme Millière, Tricot Machine, téléphérique, El Motor. Ça, c'est plus tard, mais avant, voici l'opposition numéro 8, Civil Nazamène, mais avant. Avant, Hot Springs, avec oh. Fantôme Dinosaure. Fantôme Dinosaure! Fantôme Dinosaure. Oh. Au palmarès, c'est fou, 89 ans. We'll be right back. Evil et Nasa Main en 8e position anglophone descendent de 3 places. 10 semaines de présence, on dirait un marathon. Juste avant, c'était Hot Springs avec Fantôme Dinosaure. J'ai bien aimé cette chanson. Oui, 2e semaine de présence, c'était une nouvelle entrée last week. Oh yeah. Comme on dit dans le domaine. On est rendu à nos positions numéro 7. Mais avant de regarder nos positions numéro 7 et même de les entendre via nos oreilles, hein? Tournons la page. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. Je n'oublie pas mes habitudes, même après 2 semaines d'absence. Ah, c'est beau à voir. Les palmarès, c'est fou pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'écoutent pas à chaque semaine. Eh bien, c'est plus que seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone, n'est-ce pas, Virginie? En effet, c'est un top 10 électronique, un top 10 loud, un top 3 des 10 canadiens et un top 30 des albums. Et c'est-tu pas varié, ça? Que demander de plus? Je sais pas. Je pourrais demander bien des choses de plus, mais je n'oserais pas, là. Je n'ose pas. Nouvelles entrées, tiens, du top 10 électronique. Il y en a une seule, c'est la 7e, c'est Def Inc. avec Filthy Dirty / Freak and Fry. Top 3. Top 3. Oh, j'ai encore une compilation. Advanced Options 3. Compiled by Ecotech. OK. Mm-hmm. C'est bien dit. En deuxième position, Zero Cult avec l'album Ikebana. Et en première position, comme la semaine passée, Tony Comb avec Époque. D'accord. Top 10 Loud. Aucune nouvelle entrée, mais le top 3 ressemble à ceci. C'est stable pour Paroxysm en 3e avec Scars of the Arc. La 2e, c'est l'ancien numéro 1, Monster Magnet avec Four Way Diablo. Et le numéro 1 est une montée d'une seule place. Moonspell avec Understanding. Understanding. Tantôt, on fera le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums où on retrouve des choses très intéressantes. Mais avant, ça va. Ce serait pas les palmarès, c'est fou si c'était pas intéressant. Et voilà! Donc, du côté anglophone, on va l'entendre Slow King avec Vicinity, mais avant... Jérôme Miller avec... Cœur! Coucou! Cœur! C'est ça que t'as dit? Non. De l'album Cœur. Ah, OK. Et la pièce? Train. Chou-chou! Chou-chou! Vous êtes dans le train des palmarès, c'est fou qui se rend jusqu'à sa destination du numéro 1. Chou-chou! Chou-chou! C'est foufou! 89 FM! Chou-chou! Ouais, ça va faire. Les pays et leur population, c'est quelque chose de rassurant. Mais si on regarde avec attention... Normalement, je la laisserai aller, mais parce qu'on n'a pas toute la soirée, comme on dit. La raison que je t'ai fait dire cœur tantôt, c'est que ça, c'est la pièce cœur. Ah, tu m'as joué un tour. Ça, c'est la pièce train. Ben. Ah. Tchou-tchou. Tchou-tchou. Parce que cœur, il n'y avait pas de son, dans le fond. T'as pas de son. À moins que tu fasses... Toutou. Ça aurait été pas pire. Ça aurait été pas pire, mais écoutons donc train. Ah, d'accord. Chef. Merci. Les trains deviennent ennuyeux à la longue. Cela ne ressemble plus au premier voyage. Enfin bon, la nuit parvient encore à nous faire croire un tas de choses, un tas de choses. Désert immense. Enfin bon, la nuit parvient encore à nous faire croire un tas de choses, un tas de choses. Avoir été cynique n'a pas suffi. Il faut se rendre à l'évidence. C'est un bonheur de croire un tas de choses comme un enfant, un débutant, un tas de choses. Les trains deviennent ennuyeux à la longue. Cela ne ressemble plus au premier voyage. Mais il faut bien se rendre Et Vicinity en 7e position anglophone, montée de 7 places. Ça a été long un peu, mais 7 places. C'est quand même une bonne montée. Oui. Juste avant, une petite montée d'une place. Oh, une toute petite montée. Une montée, certains pourraient dire. Une montée. Mais ça va continuer de monter parce que c'est la chanson Train. Donc, ils vont continuer d'aller de l'avant. Tchou-tchou! Tchou-tchou! Comment on dit? Et c'était de l'artiste Jérôme Minière. Oui, et ça vient de l'album Cœur. Cœur. Voilà, qui lui fait poum-poum. Poum-poum. D'accord. Poum-poum. Avant de passer à l'opposition numéro 6 des deux côtés, continuons notre tour de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Galing-galing. Et voilà. Du côté du top 3 des disques canadiens, il n'y a aucune nouvelle entrée, donc on va se partager ça. En troisième position, c'est stable. Huitième semaine, Steve Hill, Level Up My Heels. En deuxième position, Merry Go Round avec Lights and Elements. Non, c'est numéro 1. En effet. Petit échange, donc, le numéro 1 maintenant, c'est Dragonette ou Dragonette avec Galore. Galore. Côté top 30 des albums, nouvelles entrées, tiens, en 18e position, le coureur de la semaine de cette semaine, la chance au coureur, l'émission qui est diffusée le vendredi matin, ils ont couronné, il étant moi, et non, ils ont couronné Gorillaz avec The Sides, et maintenant c'est la 18e, comme on dit en français, non, je pense, position du top 30 des albums, en général, ok, ça a été dur. Une autre nouvelle entrée, la position numéro 15, Johnny Hollow avec Dirty Hands, qui fait maintenant partie du palmarès depuis cette semaine. Lui, il a dû faire de la plomberie ou je sais pas, quelque chose. Il est main sale. Ah! Oui. Top 3, montée d'une place pour Sundry Lurky avec Dan in Real Life, la trame sonore. Donc, ça monte tranquillement, mais ça va se rendre au sommet bientôt, ça, je pense. Hein? On l'espère. Huitième semaine, non? Ça y va. En deuxième position, la première position de la semaine passée, Coheed and Cambria avec No World for Tomorrow. Donc, il y a eu un échange ici aussi. Dragonette est montée de la troisième pour aller se retrouver en première position. Cinquième semaine de présence pour leur album Galore. Et ça va très bien pour Dragonette. Oui, très, très bien. Donc, ouais, c'est fou, mais je parle en général. Leur carrière était le dragon volant. Et le feu pogne à ça, aux planches. Tu sais, l'expression « ils ont mis le feu aux planches », là, ça veut-tu rien dire ou c'est juste moi, ça? C'est un petit peu surutilisé, non? C'est un peu surutilisé, c'est ça. C'est un petit peu cliché, pas très original. Hein? Ouais. C'est comme à ne pas manquer. Ouais. C'est répétitif. Ouais. Comme... C'est pas grave. Ça arrive, ça, c'était le tour de notre tour. C'était le tour de notre tour de ce qui se passe ailleurs dans les Pommes. Ouf. Est-ce que vous me suivez ou je suis juste vraiment n'importe comment? Ben moi, j'essaye de suivre, je dois t'avouer. Je suis habituée maintenant, mais s'il y a des nouveaux auditeurs... Ça va être dur pour eux autres. Hein? Bonne chance. Il vous faut une session complète pour nous comprendre. Voilà. Il y a plus toi que moi. T'es compréhensible. Ouais. T'es compréhensive. Oui. Ouais. Un mot qui est utilisé à tort et à travers, ça aussi. Merci. C'est comme, j'entends une parenthèse incroyablement plate, mais c'est pas grave. Aux nouvelles de Radio-Canada, il y a une journaliste, là, Monique Whatever, est tout le temps en train de dire que ça a littéralement effondré quelque chose. L'argent, c'est même littéralement effondré. Littéralement, ça veut dire que c'est vraiment arrivé. C'est comme, mettons, tu dis que t'es littéralement mort de rire. C'est-à-dire que t'es physiquement à terre en train d'avoir des convulsions puis que tu meurs. Je m'en allais le faire, mais je le fais pas parce qu'il y a beaucoup de poussière par terre. Ouais, c'est ça, on l'a dit. Beaucoup de poussière par terre. C'est le studio le plus utilisé de Trois-Rivières. Ouais. Il y a plein de monde ici. Oui. OK, là, ça va vraiment faire pour la parenthèse ou le crochet ou guillemets français, comme vous voulez. Ça en finit plus. On s'en va entendre. Nos sixième position du côté anglophone, c'est génial. C'est The Go Team avec Grip Like a Vice. Mais avant, c'est tout aussi bon. Oui, c'est Back in the Days de Gatineau. À croire qu'on est du côté anglophone, mais détrompez-vous. Nous sommes dans le francophone. Back in the Days, ça me rappelle le bon vieux temps que je faisais des blagues qui avaient de la loupe. C'est bon pour moi, Back in the Days. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi, Back in the Days. C'est bon pour toi, c'est bon. C'est une coupe d'années sur Côte-Herbonne. Dans sa rue, y'avait juste du hip-hop anglophone. Tout le monde écoutait Bon Jovi pis Dépêche Mode. Tout le monde disait partout que le hip-hop c'était juste une mode. C'est bon pour moi, Back in the Days. C'est bon pour Twitch. C'est bon pour moi, Back in the Days. C'est bon pour Twitch. Je fais ça rien, je fais ça ma façon. Je fais ça frais, c'est bon dans maison. Un saut à petite house comme combinaison. Back in the Days, dans ton avantage. Ces instrus de cool maudit. Ça met pas de but, mais c'est cool en maudit. Je rappe en anglais, mais c'est pas par choix. Le seul québécois que j'ai, c'est quoi? C'est rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? King du hip-hop, j'rappe des moves de break comme dans Robocop. Sur le dos, sur le ventre, up and down, flip flop. Back in the days, j'ai pas peur d'avoir peur. Back in the days, j'ai tant des hip-hoppers. Back in the days, j'ai pas peur. PMD, Grandmaster Flash. Tous après-midi, j'ai le sound dash. J'fais du style gratuit dans la langue de Jean Arrache. Back in the days, j'ai connu ces vainqueurs. You live in the past, man. retour de Jessica Hoop et d'autres affaires. Et ça, c'était la meilleure intervention d'envoi de pub, j'adore. Oui, voilà. On envoie la pub. Go, maintenant. Maintenant. Hey, wow. C'était pas si pire que ça. Rien d'autre, moi. Directement des studios de C'est Fou, voici deux personnes qui n'ont pas besoin de vidéo. Là, dont la question. Non. C'est Mathieu Plante et Virginie Cossette. Oui. Hey, bon retour. Bon retour. Bon retour, mon petit palmier enneigé. Hein? Petit palmier enneigé. Petit palmier enneigé. C'est très beau. Oh, OK. Parlant d'une fille qui a connu quelque chose. Et c'était pas grâce à Vidon la tour la question. Non. OK. Sixième position anglophone, voici le plaque vice. The Go Team. Go, go, go. Go, go, go, go, go, go. Dans vos oreilles. Au 89.1. Favoris, hein. On peut acheter des sites de sœurs de Virginie, mais peu importe. Ben là. Oh! Non. The Go Team est une pièce qui s'appelle Grip Like Un grip like a vice. Grip. Oh yeah. Juste avant, c'était du côté francophone. Y a-t-il back in the days. Absolument. On est déjà rendu à nos cinquièmes positions. Du côté anglophone, c'est Jessica Hoop avec Seed of Wonder qui monte de 3 places. Ouh. Et une tune vraiment de... Une tune à radio. Une chanson. La musique. Bien de circonstances avec le temps qu'il fait dehors. Beau temps, mauvais temps avec Tricot Machine qui reste stable en 5e position pour la 11e semaine. Vous écoutez les Palmarès, c'est faux, 89.1 FM. On pousse, on s'en rembraille, on fait ses dents. On se plante sur le ciment. Cherche le sens de la vie. Laisse tomber. Enlève tes petits trous de temps. Si assez. La part une coupe d'années sur la dérape. On se calme trois cafés. Puis on se rattrape. Si tu cherches la bougie d'allumage, viens mettre ton petit doigt dans l'engrenage. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent. Jour après jour, on t'a mauvais temps. On se voit, on rêve, on jase, on se fait la cour. On s'aime, on doute, on casse, on se traîne en cours. La bourse ou bien la vie, je pogne les nerfs. Je vous ai dit de garder les mains en l'air. Les pieds dans mes pantoufles, j'ai perdu le rythme. Quand tu meurs des moutes, ça tourne trop vite. Après un bon pis bon emmuré, on me creuse un petit trou, je suis expiré. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent. Jour après jour, beau temps, mauvais temps. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent. Jour après jour. Come on, child, call your flow like a seed of wonder, faith and mustard. Oh, yeah, oh, yeah. All is dark, it's dark, the light is vanished. It's gone, it's going large, it's soaring high, it's covered up the sun. Virgin spring and find the vein with milk and mother. When my river bed grows strung upon the thread, the starry beams of light is working under, digging through the dark. wanting everything you ever wish for in your soul, like a seed of wonder, faith and mustard. Oh yeah. Jessica Hoop avec Seed of Wonder en 5e position anglophone, montée de 3 places. C'est moi qui parle à voix pendant que je dis. C'est ce que je m'en allais te demander. Juste avant, on avait Tricot Machine avec la chanson de qui est de bon augure. De bon augure. De bon augure. Beau temps, mauvais temps. C'est bien dit, ça, de bon augure. Oui, ben je sais. C'est le mot juste. C'est pas une expression qu'on use à répétition comme littéralement... Juste littéralement utilisateur et attendant. Littéralement. Reviens pas sur ma parenthèse, c'était déjà assez long comme ça. J'arrête. On parlera pas de ça. On est rendu à une position numéro 4 du côté anglophone. C'est la formation triflivienne Merry-Go-Round avec Ejectio Siga, l'ancien numéro 2. Mais on s'en va écouter à l'instant Alexandre Chopigny avec Aspiration, qui est en 6e position la semaine passée. Absolument. Et tantôt, on parlera des CD les plus vendus au Knédé. D'accord. Ça te tente? Ça me tente toujours. Obligé non plus. Oh, je me sens un peu obligée, je dois l'avouer. C'est parce que t'as pas le choix, dans le fond. C'est et juste, voilà. J'essaie d'être gentil pour le pareil. Mais c'est juste pour pareil. L'image. Juste. Au palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Sous Go Run avec Ejectio Cigar en quatrième position anglophone descend de deux places. Et du côté francophone, Alexandre Champigny avec Aspiration qui était en sixième place la semaine passée. Super! Pour une quatrième semaine dans le palmarès. Avant de passer à nos troisième position, j'ai dit passer. Passer avant nos troisième position. On va aller checker ce qui se passe au Canada. Allons voir au Canada. Oui, parce que vous savez, il y a des gens qui achètent des bouts de plastique avec un bout de plastique. Dans le sens, ils prennent un bout de plastique rectangulaire. Oui. Swing! Et ils achètent un morceau de plastique rond avec un trou dans le milieu. Mais avec un goût de plastique, est-ce que ça veut dire que t'as déjà goûté au CD? Hein? T'as dit avec un goût de plastique, pardon? Quoi? Je la comprends. Hein? Non, répète. Non, mais t'as dit un goût de plastique. Est-ce que t'as déjà goûté au CD? Est-ce que ça goûte? Ah! Hein? Ok, tu me l'expliques pas tantôt. Ouais. Ça m'arrive d'être lent, je m'excuse. C'est pas grave. C'est grave. Donc, regardons les bouts de plastique les plus vendus cette semaine au Canada de la part de Nielsen SoundScan pour la semaine qui termine le 29 novembre 2007. On va regarder, tiens, la 25e position, c'est One Republic avec Dreaming Out Loud en nouvelle entrée. En 11e, même chose pour la compilation Big Shiny Tunes 12. En 10e, c'est Keith Urban avec ses grands succès. Ensuite, top 5, descente d'une place pour Anne Murray. Ooh, avec Duets, Friends and Legends. En 4e, c'est une autre nouvelle entrée, la compilation Much Dance 2008. En 3e, c'est une descente d'une place pour Alicia Keys et As I Am. En 2e, c'est une montée de 3 places pour Josh Groban avec Noel. Et en première, c'est stable, 2e semaine de présence pour Celine Dion. Ooh. Avec Taking Chances. Okay. Ensuite, regardons la musique qui a été la plus téléchargée sur Apple iTunes. Pourquoi donc ne pas faire ça? Hein? Allons-y donc. Cinquième position, c'est Fergie avec Clumsy. En quatrième, Chris Brown avec Kiss Kiss. En troisième, Timbaland avec Apologize. En deuxième, c'est Alicia Keys avec No One. Et en première, la pièce la plus téléchargée sur Apple iTunes, c'est Flo Rida avec Low featuring T-Pain. Ça sent le dance floor dans le téléchargement. It's scenting the dance floor in the téléchargement. Oh yeah. Let's dance. Yeah. Troisième position anglophone, c'est notre bon ami Sondre Lurky avec To Be Surprised qui monte d'une place. Oui, j'ai hâte de l'entendre. Et du côté francophone, on va entendre Téléphérique avec À Distance qui était en première position la semaine passée. OK, mais avant, je veux que tu m'expliques la blague oui. de tantôt. C'est que t'as dit, ils achètent des boîtes de plastique avec un goût en plastique. Un bout de plastique, oh! Virginie. Ah, ben c'est pour ça que j'avais pas compris. Et voilà. Parce que tu avais pas compris à la base. Erreur de communication. Un bout de plastique, une carte de crédit. Ah, maintenant je comprends. T'as la fin maintenant? Super! Je vais pas finir. Je vais pas finir. Je vais pas finir seul. J'essaye. Peut-être je comprends rien. Ou ça m'arrange de rester dans mon coin. Toujours une distance. Que je pense. Des fois je me sens normal. Ça dure jamais longtemps. s'en va encore. Oui. Nos troisième position, ben notre troisième position notre anglophone. Troisième position anglophone, c'est l'air qui est surprise. Au palmarès, c'est fou. 89 ans. Enfin. Say, did you ever stop to think along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. I'm not gonna stay. Obvious observations everybody makes. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The way so tired through a mic. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. Je veux pas dire ma affaire, mais j'aime bien. Je vous annoncerai mon mariage les prochaines semaines. La date et tout, là, je vous inviterai. T'invites tous les palmiers. Évidemment. Parce qu'il y en a des millions. Et voilà. Ça, c'était nos positions numéro 3 du côté anglophone. C'était Sandra Lurkey avec To Be Surprised qui monte d'une place. Mais du côté francophone, on avait Téléphérique avec À Distance. Super, super, super. Est-ce que nous allons entendre nos positions numéro 2? Ben, je pense pas me tromper en me disant que... Qu'on y va? Ben, en te disant que je me dis qu'on dirait. Donc, du côté anglophone? En fait, je suis pas sûr. Non? On arrête-tu? OK. Bye, les palmiers. Bye. Mais donc, non, c'est même pas vrai. On fait des blagues. On s'en va entendre au numéro 2 du côté anglophone. C'est Coheed and Cambria avec The Running Free, l'ancien numéro 1. Donc, on a un nouveau numéro 1 cette semaine. Oui, j'ai bien hâte de voir c'est quoi, même si moi, je le sais. Vous, vous le savez pas. Moi aussi, je le sais. On est coquins. Et du côté francophone, elle m'a... Arriba! Avec Hippocampe. On plonge dans l'eau tous ensemble pour le faire parce que vous savez, tu sais, un hippocampe, ça vit dans l'eau. Oui. C'est un cheval de mer, il y en a qui disent, il y en a qui l'appellent de même, c'est comme fencing de même. Ouais. Cheval de mer. Alors, splouche? Splouche avec vous! C'est des pommes assez fous au 89.1. FM. Dans vos oreilles, il y a plein d'eau. C'est pas grave. Non, j'ai eu ça, avoir de l'oreille. De l'eau dans l'oreille. Thank you.

numéro 1 des Palmarès C'est fou de cette semaine. On va faire un petit récapitulatif avant de se quitter, d'accord, Virginie? Allons-y, allons-y. Je laisse faire un top 5 francophone. En 5e position, nous avions Beau temps, mauvais temps avec Tricomachine. En 4e, Aspiration d'Alexandre Champigny. En 3e, À distance de Téléphérique. Et en 2e position, Hippocampe de El Motor. Du côté anglophone, en 5e, c'était Jessica Hoop avec Seed of Wonder. En 4e, c'était Merry Go Run et Ejectio Siga. En 3e, Sandry Lurky et To Be Surprised. En 2e, c'est The Running Free de Coheed and Cambria. Nos grands numéros 1. Du côté anglophone, c'est Dragonette avec I Get Around qui monte de 2 places. Et du côté francophone, une chanson qui nous va très bien à toi et à moi, Mathieu. Ah! Aimer être con de Johnny 5. J'aime tes compliments. Ça me fait plaisir. Ça va me manquer jusqu'à vendredi prochain en oui. direct à 17h pour les Palmarès. C'est fou, on est aussi en rediffusion les mercredis à midi et les jeudis à 13h. On vous retrouve là. Moi, je vous retrouve à La Collection, l'émission d'informatique et de jeux vidéo lundi et jeudi à 11h. Et dans La Chance au courant, les vendredis à 10h, les samedis à midi et les mardis à 13h. Si vous voulez entendre la balado-diffusion, la télécharger, la MP3 de chaque émission, c'est sur lunechance.com en compagnie de tous les liens et tous les sujets nombreux qu'on va mentionner ce soir. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain parce que je n'ai aucune autre émission. Oh, on se retrouve à 19h30 oui. et vendredi soir pour écouter Ladon la chanson. Restez avec nous. C'est Vidon Ladon la question qui nous suit à partir de 19h. Ensuite, Key One sera là à 20h. Passez une superbe semaine. Merci encore, Virginie. Ben, merci, Mathieu. Fais attention à tes genoux, hein. Là, tiens aussi. Bonne journée. Bonne chance. C'est toi, tu tombes de haut. Ouais.